sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gariou et Arjué. Aujourd'hui, l'émission Trier en une en à Perugen. C'est ça, voilà. Henri, 381. Oui. Et on continue donc dans la semaine. Oui, puisqu'on a fait lundi et le mardi. Alors, j'ai pensé que ce serait intéressant de continuer et de traiter Merar. Merar, donc, c'est le nom du troisième jour de la semaine. Et alors, il est un peu plus, pour les gens qui apprennent le breton, il est un peu plus difficile à prononcer que les autres, puisque il y a un C apostrophe H au milieu, hein, c'est scrabache, on dit en breton, donc re, et donc les néo-bretonnants ont souvent un peu de mal avec ce re là, donc merer, hein, c'est assez guttural, assez accentué, voilà. Donc c'est le troisième jour de la semaine, et puis c'est le milieu de la semaine de travail, surtout depuis qu'on a la semaine anglaise, nous aussi, hein, donc ça fait la césure, et puis c'était jusqu'à présent le jour de congé des écoliers. Ça va peut-être changer d'ailleurs, et autrefois c'était le jeudi, le jour de congé, et puis après ça a été ramené au mercredi. Donc c'est un jour où il se passe pas mal de choses, hein, c'est le jour du marché à Calac aussi, depuis de mémoire d'homme, hein, en fait. C'était assez bien réparti, hein. Il y avait les marchés comme ça, le lundi à Saint-Nicolas, le mardi à Rostrenin, le mercredi à Calac et le jeudi à Corlay. On pouvait aller, et le samedi à Guingamp. Donc on pouvait aller tous les jours au marché quand on était ici. Voilà. Alors on trouve ce mot-là, merer. On le trouve sous des formes très voisines en gallois et en cornique, et dans les trois cas, ça vient du latin mercurius. Mercurius, qui est le nom du dieu Mercure, et puis en même temps le nom de la planète, hein, la planète la plus proche du Soleil. Donc, alors ce mot mercurius, on le trouve sous cette forme-là, dans la chanson des frères, enfin pas des frères Morvan, mais chantée par les frères Morvan, Apollon Mercurius, Vénus à Jupiter. Apollon Mercurius, Vénus à Jupiter. Oui, des rois rendouards, hommes d'amitié sincère. Une chanson qui est très longue. Elle fait, je crois, 69 couplets chaque couplet d'un quatrain. Mm-hmm. Donc c'est une chanson qui est très longue et qui a été écrite par quelqu'un qui se définit à la fin de la chanson comme étant Gilles Mordelais de Lanrodec, qui est né en 1820. Il était même né la veille de la fête de la présentation de la Vierge au Temple. Donc ça fait le 20 novembre 1820. Et donc il raconte sa vie dans cette chanson? Non, il raconte pas sa vie, il raconte un peu ses déboires amoureux, enfin c'est, et alors c'est plein de considérations philosophiques, parce que c'est ce qu'on appelait un cloire, quoi, un étudiant, donc en théologie en fait à l'époque, hein. Et donc il raconte un peu tout ça, quoi. Apollon Mercurius, ouais, c'est assez curieux d'implorer Apollon Mercurius, quoi. Voilà. Alors en français, donc Mercure, ça a donné pas mal de choses, comme parce que Mercure était un dieu polyvalent, on peut dire, il s'occupait de beaucoup de choses, hein, comme on a eu plus tard des saints qui sont polyvalents aussi. Il était le messager des dieux, hein, c'est lui qui était chargé du courrier. On pourrait dire que c'est le patron des postiers, si on peut dire, si c'était un saint. Et donc, il s'occupait de l'éloquence aussi. Enfin, il avait pas mal d'attributs. Alors, on l'assimile à Hermès chez les Grecs et à Toutatis, hein, chez les Gaulois. Toutatis, hein. Ouais, ceux qui lisent Astérix connaissent ça. Alors, tout ça pour dire qu'on trouve souvent ce mot-là. Il y avait un adjectif en latin qui est mercurialis, hein, qui concerne Mercure, hein, qui a donné les mercuriales. Les mercuriales en français, c'est le prix des denrées une fois par semaine. Le cours, en fait, hein, le cours des choses, quoi. Et dans les marchés, on affichait les mercuriales comme ça. Ça se fait encore, hein. On publie des mercuriales, hein, donc. Voilà. Et puis il y a l'adjectif mercuriel, hein, qui veut dire, par ce qui concerne Mercure, par exemple, l'année mercurielle, hein, c'est-à-dire le temps que met Mercure à faire le tour du Soleil, qui est de 88 jours. Hein, elle va beaucoup plus vite que la Terre, mais elle est beaucoup plus près aussi, quoi. Voilà. Et puis ça a donné aussi le nom du Mercure qu'on appelait autrefois le vif argent. Donc qui est ce métal qui est liquide à la température ordinaire, voilà. Alors en breton donc Merreur, ça correspond aussi à la planète, hein. Alors on trouve ça dans pas mal d'expressions. Tiens, autrefois je suis pas si vieux que ça quand même. Il y a dans les années 80 là, on avait fait un Skolemerreur à Guingamp. C'était une initiation au breton le mercredi après-midi, on avait appelé ça Skolemera. D'accord, pour les enfants ? Pour les enfants, oui. Alors, il y a aussi le mercredi qui est bien connu, c'est Merreur Ludu, hein, donc le premier jour du carême. Hein. Donc, où il y avait une cérémonie où on mettait de la cendre sur le front. Mm-hmm. Toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune, mais moi j'ai connu ça quand j'étais gamin. Alors, on va retrouver les mêmes formes que pour les autres jours. Par exemple, Merreur, c'est mercredi, et Heurmerreur, le mercredi. Et si on dit le mercredi de façon générale, on va dire Dermerreur ou Bemerreur, hein, chaque mercredi. Hein. Bemerreur vers Maradbakalak. Mm-hmm. Tous les mercredis, il y a le marché à Kalak. Ça, c'est valable pour tous les jours de la semaine. C'est valable pour tous les jours de la... Et puis, si on veut dire mercredi prochain, on va dire Bendemerreur. Mmh. Ou bien des mères de zone aussi, hein. Ou bien des mères traménettes, hein, pour le au passé, voilà. Alors oui, mère reludue, hein, donc c'est le mercredi des cendres, quoi. Voilà. Et ma foi, je pense que là sur le mercredi, on a fait un petit peu le tour, quoi. Alors le mercredi, sans doute va changer de statut, on verra, hein. Voilà, c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. Je vais pas à prendre position là-dessus, mais c'est vrai que l'imagination des enfants, c'était un jour un peu sacré comme le dimanche pour les adultes, quoi. Voilà. Bah, c'est une vie de Merreur, non ? Trugariri. Deuxième partie d'émission. Brezhoneg t'en m'attend. Et on part à Zantol que bah pour aller Chanik va rencontrer Job. Job voilà. Qui est très actif quand même sur la oui, commune. Oui, voilà, on va retrouver Job Nedelug hein, qui était l'ancien instituteur qui est en retraite mais qui donne toujours un coup de main aux enfants de Zantol quand ils préparent le camp Norbob. Voilà. Salut Job, marche. Matré. Clevet me zorbe dar blamon roise dans bugalez en toleg dar han arbob. Ya, guire, bedon ganten de el de blou derrien. Et non, wa kan or bob le blamon. Mais, ruizo wa o leve vraiment? Ya, mais mon de rand or vejers une, de la kader vugal et de gan. Ah, petra zo bet kan net ganté ar blamon? Ah, un disputre boto war le ag boto war quat. Or gan ou en beskrivet gan yan or gwen. L'eau de gan est comme joue la boto war le, l'eau d'elle comme joue ar boto war quat. A plus jeunesse d'un dut. Ah, mon heurid a bondi? Non, pas hors blamant, mais n'est que strict, car je drouelle le chôme de Beroise. Bon, il est bon joueur quand même, quoi. Ah, oh, ouais, ils ouais. Ils sont pas sélectionnés. Ouais, ouais. Bon, on va reprendre phrase à phrase ouais. Pour ceux qui voudraient comprendre un peu mieux, pour qui c'est allé trop vite. Salut Job, Marge. Bon, formule de politesse. Hein. Ouais, Marge, ça matré, va. Matré, ouais. Matré. Très bien, très bien. Clevet meusorbet ar blamant, roise, gandbugal, les antolec d'ar han arbob. Oui, alors Clevenbeus, j'ai entendu, Orbe d'Orblanc-Roise, que vous êtes allé, cette année encore, avec les enfants, dans le Bugal les Antolog, de Hanorbob, au camp Norbob. Voilà. Ya, Guire, Bédon Ganté, Andéal, da Plouderien. Ya. Oui, c'est vrai, je suis allé avec eux l'autre jour à Plouderien. Alors quand on dit de Plouderien, hein, c'est à Plouderien, parce qu'il y a une mutation, hein. Voilà. C'est Plouderien. Et non, il y a Candorbob Blamant. C'est là qu'il y avait le Candorbob cette année. Oui, parce qu'il y a eu à Melcaré, à Cavan et à Plouderien. Bah voilà. Bah oui, voilà. Trois rencontres. Bah, il y a tellement de chanteurs par chez nous. Voilà. Mais Ruizo, Waro Leve, vraiment. Mais. Le monde Chanik. Oui, mais vous êtes en retraite maintenant. Waro Leve, hein. Sur vos rentes, en fait, hein. Waro Leve, hein. Sur le vos rêve. Rentes. Hein, voilà. Ya, yeah. Mais mon rendez vais je n'amzer de school vid la cadre vugal et d'agan. Oui, mais je vais de temps en temps, or vais je n'amzer, hein, de school et vid la cadre vugal et d'agan. Et pour mettre, alors, littéralement, c'est pour mettre les enfants à chanter, pour faire chanter les enfants, vid la cadre vugal et d'agan. Hein. À Petras au Bétcan, net ganté, arblamant, demande Chanik. Voilà, alors là, c'est une forme passive, hein. Petras au Bétcan, net ganté. Qu'est-ce qui a été chanté par eux? Heure blamant cette année. Un dispute très arbotouer, l'air agarbotouer, quoi. Oui, alors, un dispute, c'est un débat, hein, c'était très courant dans les anciennes chansons, hein, un dispute, hein. Un dispute très arbotouer, l'air agarbotouer, quoi. Donc, le débat entre le cordonnier, botouer, l'air, hein, et le sabotier, botouer, quoi. Urganawen betskrivet gan Jan Orgwen. Voilà, Urganawen betskrivet gan Jan Orgwen, une chanson qui avait été écrite par Jan Orgwen, hein, qui était un compositeur très gros et bien connu. L'eau de gan est comme joue arbotoar l'air, voilà. L'eau d'al comme joue arbotoar krat. Quoi. Alors, l'eau de gan est, alors, certains d'entre eux, hein, l'eau, c'est-à-dire en fait la moitié, hein, des enfants, l'eau de gan est comme joue arbotoar l'air, la moitié chantait donc les paroles, hein, comme joue Orbotower l'air du cordonnier. L'Odel, comme joue Orbotower quat, hein. Les autres, donc les paroles du sabotier. A pli jeuneuse d'un dut. Et ça a plu aux gens. Pli jeuneuse d'un dut, ça a plu aux gens. Alors Chanik demande à Monnery d'abondi. Oui, et vous irez à Pontivy parce que les sélectionnés vont à Pontivy. Ah non, ne réponds jamais. Pas à blâmant. Voilà. Né qui strict. Calze Drawel au Chôme d'Or, Roise. Voilà. Non, pas Or Blanc, pas cette année, il ne peut pas aller tous les ans non plus. Hein. Mais, n'est que strict, hein, formule très connue, on disait tout à l'heure en français régional, mais n'est que strict, tout le monde comprend. Hein. Oui. Calze Drawel au Chôme d'Or, Roise, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Il n'est pas amer non plus. Ah non, c'est non. Ça qui est bien. Non, non. Le principe, c'est de faire chanter les enfants. Voilà. Bon. La cadre du grand et de grand. Hein. Bon, on passe à la troisième partie, Petra, Zone et Vervo. Setuerie, Petrazone Vervro. Ben, Calzedra ou Zone Vervro, Bouervé, Jiozon. Ma peçon de vos commences, de Velkis, à custume, gand, là, Bourdouar, à Gavu et War Armès. De ce que Gualbelzo, ou Abedli, de Trégon, de la Arcédapa. Zéwa Bégret, bah, Langueux, hag, voie beau de Calzedut, puis dur, vraiment, zo, Calzedut, bah, Arcédapa. Puis, ou Krog, de Arcédapa, ou Anke Messeis. Mais leur seize breurs, on tombe, hein. Au nom de André Pochon, hein, au rang d'avant-mort, ag, huerdin, on drôdan. Ag, André Pochon, ou déjà, rang d'avant, hein, via le, pot de Melchon Gwen, hein, puis y'en de l'art, et puis sa mode, ou à red, neubeta d'un thems, ag, dreistol, un thems, gan, azot, à setu, ou à mode, quand Melchon Gwen oriente, hein. Hag oalance ganze, hag bon pez neus gred ur sedapa e klas hen chou neve benefin evit ul ar bourdouar. Da la rade, lakad neuptor edems, neuptor louzeier, klas boud emren benefin. Hein, autonome vel arze in galag, hein, emren. Hag bon ze zo bet de houls peo a krog de gant ar sedapa, ne vije ke chilaou a kalz ar sedapa gant ar penou bras, de ze la bordou ar evel just. A bremañ zo gwelet, me meus ra vije bet gwelar chilaou an tamp pe ze la arañ, pe dur war kalz a boanche ou a virion le gante. Bon, setu la ram d'ar sedapa, der mont war an tuz, à Dern Labourad, hein, à Chancevoir de la Rande. Hendel, bon, comme je vais calze, puis, comme de ze l'arbre d'oua, vais comme je calze, er marrément de ze pack névé. Puis dur, bon, au Labourad, ouais, au neuf de mijo ou arzé, ag, bon, n'est-ce clair, oise un trop bon, vote des bides, quand le Parlement de Breu Europa, mais de bonnes cudées nous auroises, de hou de pessamot de vos graines, ma vos icours mûres, rées au tiroil de ze nendro, et ma vos lacs de orpag mûres gouir, ma peçoine, pis glace, j'ai des pentes, mais ça, vous devez là. Ag d'assion chiolos, ar et peau de rawardro, ze ba europa, ne slar de vos presse d'un trou vide misvoine. Bon, gouel vos pessamot de vos con, hein, ma vos presse d'un trou. Hag ma trezen vo kudé no c'hoaz ben a-an. Bon, war da chen la bordou ar c'han de lusken bremañ, c'hat komz vo de zib el ar vejel. War da chen ur politiker, bon, neus ket kalz dra de l'ar ar mar emañ. Gwelet ve kudé no gant e pen o braz, ve sklij direk ar justice. Hag bon, n'a ket de komz de se. Mais on drame mestra gav en fin tu soir pv casse de peine au bras dit c'est direct justice là en tout dans une fiance bah justice au bro bah justice au bro bénéfine hein, j'ai confiance dans la justice de mon pays à travers au sens quoi c'est au concho y est squat on temps avec mine la fin que j'ai mine parce que casse de fiance hein, bah sur justice bénéfine plus dur vidon mi tient or onaf ur erran nan eus erran de be o trop ad avokadet eus o placement direk justice ur potiez din man eus ket erran estert an deja yon ur vinten pe Jean de la Fontaine l'ar e grigel asemon kria aro sur le baudet quoi de la rade en azen wala ket ka plus de student trou valoir ur bet hag et chue et grande large, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ag, de me jonge, je n'ai que béchange, calze un trou, boué. Sais-tu, dis ce manquant de bon peu de, bon, n'en que te l'arde mieux, heureuse rouge de ce pénobras, hein, hudundé. Bon, Hendel, warda chez une économie, Zara, ve clève de l'arde, au Berne Brudé, res ve grède vide, renverse de internet, hein, y converse ve l'arde, hein. Hag, nevesso, meus gwell de, me mestra, zo tud, zo commence de grand prendre zo, cudé, nou ganzé, pu dur, pv prenne de trop war an internet, dédice, vepe den taio lehel. C'est de la radé, ve casse de bénéfice zezo, casse un taio lehel. Adraistol un dro de baris, plusieurs casés, tout de stalio. Il converse au baparis. C'est une pv que prend le trauam en bavro, ve casse un taio lehel zezo, harlu un taio. Pes velard, une galak velard, exode fiscal, hag, ma trezen ve febe mot, un dune jonge à l'ontom, pes amod, e gwellor pren o traou bavro, vi monte pren on el er hel, gant ur oedat. Mais, gure ester, peut dire, veget kalze vruderes, hag ar un dude, un dude rankin ganzi, zo, ve gwellet vel tud, ou ar l'er yel ontom. Tu te dis en sérieux. Bon, me sera VFB mode Jean Jalon tombe ben affaires. Bon, vraiment rendre de gombe tombe de cette représente que Pewa Fon Jolande Cambali ou habite de promettre de retourner d'adorer le nezier ou guasque dans tombe ou habite promettre tes VGB de grade zine de carta. Carta bro Europa vidor Jesu guasket hag bon bremen zo teule den affers ba meskelinat hag pudur et ramne de vot adegu pe so prometet ve dankoit hag ne vo ke zine benefin carta gant bro France hag bromen ve kleve de o neube de ze penou braz o larne nekelon dravat da skouir gant distor war war i ping-pong zo tre Jean-Jacques Urvoise ban tu klei hag Marc Le Fur ban tu derou pe ban tu gwen hag pepan ye gant melo di sentir benefin me gwellar vefe be l'arte de l'ar n'enke vidor mand be de bar mod man je benefin vekas gant de Jacobinet hag mon riz ar l'ar de mis o hont de vel, mis o hont de skriv, mis o hont me. Bez e ne chancho ke man bet. Hendel meus gwell ar Christian Troideg, neus o hont de skriv o d'ur president de goulgant o mont de vel, non? War un trangle, bon, ba, chance war de la ramdan. Me gredan ke de... Kien koul ze febe don mont de glaske gordon de traienan vel la reine ur vich pedeg da se. Hag juste ma mesmar et wa gretzi zo big zave do homité Théodule un dro de Riez ou Brovrance de houl zezo collectif pour les langues de France puis conseil consultatif à Traudi c'est tout d'un trou zezo comité Théodule homité Théodule zo au ne battu de non de la assemblée de Jonja la de scrive en trou a de trou a benefin ha banon tir ad beneket avant que l'en grande inbet an de gira vijant que de netra. A setu homité Théodule zo ben de zave da ge gwell meus oa poties pol molag ar bars a ge dis mozur bop de labour ad vimman. Me dis man kon. Bon hendel me meus tra ve gred trou kalze du de zo stourm breiz idoriez. Mais peso zouezus, hein, pevegwell, tout d'un dut zo labour ad vidoriez, breiz, benefin, un trou chant, nan ke warok, nan ke de, ne, storm se ne ke de fe du stambet. A peso zouezus, pevegwell ad ba bro corsica, da square, rappel gwell ar un trou vidoriez, plusieurs, meuslen ne ske gwell belzo, ba bro corsica ne ske medon, au nan dregan de ze vugal et an eurant ke tombe corse bit bascol. Hag breizom e hontrolrik zo daou dregan a ra brezandek. Hag gouskoud e sens dom ba mameuz republik bopet bro Corsica. Hag ne gredan ke dra mu ar striv ou un dud ba bro Corsica vidoyez vive gred arme. Me orgud un benek zo. Bon, nan ke de l'arpel or me jonge me zwar na farz me. Nan ke de l'arpel or ka redé diwal me mestra de spes velart hein. Surtout de banans en revraiment. Hendel zo bon zo trou a zo brau me sera gwel meus un DL ou un bet ba Melcarez vid kan ur bob la gar meus gwel et kal ze fugale bugale o kanan hag zezo plus justré hag bon dern hei de bondi hag vo klev el roaz bugal ya bugal ya tudel hein tu te cause mais bugal e blichtin ka bon zeso am zor de zon ariez benefin hag se tu meus kavet oa plijad ur ba bon non ke be ba kavant pu dur oa ma meus de mais de klev meus oa bra an traoù ba kavant ivez bon se tu un tamm de spesonne e bavro hag ben vegel volar oas.